Nyang. Bonsoir, madame, monsieur, et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Les précipitations des mois de mars à mai seront supérieures à la normale climatologique dans la majeure partie du pays, prévient l'Institut géographique du Burundi, IGBU, ce mardi. Des stratégies de renforcement de la sécurité dans quatre communes des provinces Bubanza, Cibitoke et Bujumbura ont été arrêtées ce mardi, bien que le porte-parole du Premier ministre n'en dise pas grand-chose sur ces stratégies de renforcement de la sécurité. Dans cette édition, on revient également sur la problématique de collecte et d'achat de la production de maïs par l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, ANAGESA. Tenue aujourd'hui à Bujumbura, mairie des États généraux du tourisme, la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi déplore un manque de politique claire sur le marketing touristique. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimana. Rebonsoir. Les prévisions de la météorologie saisonnière valable de la période de mars à mai de cette année, appelée Meshi, montrent des précipitations supérieures à la normale climatologique dans la majeure partie de toutes les régions naturelles du pays. Présentation faite ce mardi par le directeur de l'hydrométéorologie et l'agrométéorologie à l'Institut géographique du Burundi, IGBU, lors de la présentation des prévisions météorologiques saisonnière de mars à mai de cette année. De Gracias et Wabonua Nayo précise que les précipitations abondantes ont été observées dans certaines régions durant cette période. On écoute. Concernant les dates probables du début de la saison, les prévisions météorologiques saisonnières valables pour la période de mars à mai 2024 montrent que la grande saison des pluies commence en principe au mois de février, après la petite saison sèche. Néanmoins, les précipitations abondantes ont été observées dans certaines régions durant cette période et les précipitations vont continuer à travers tout le pays pour vous montrer que la saison a déjà commencé. Concernant les dates probables de la fin de la saison pluvieuse, la fin de la saison est prévue entre la deuxième et la troisième décade du mois de mai pour les régions naturelles de Mosso, d'Obuyogoma, une partie de Ouragane, une partie de Kirimiro et la partie sud d'Olimbo. Et entre la troisième décade du mois de mai et la première décade du mois de juin 2024 pour le reste des régions naturelles. Concernant les températures, il est prévu qu'une forte probabilité d'y avoir des températures au-dessus de la moyenne climatologique dans toutes les régions naturelles du pays sera observée. Comme nous sommes dans les périodes qui connaissent de fréquentes variabilités climatiques, tous les secteurs sensibles aux effets du changement climatique sont invités à consulter chaque fois nos prévisions hebdomadaires et même mensuelles qui feront objet de la mise à jour de la présente prévision. Et à cause de cette, suite à cette situation, le ministre de l'Agriculture et Élevage, Prosper Adodiko, invite les agriculteurs à cultiver des cultures résistantes à la forte pluie comme des haricots grimpants et de tracer des courbes de niveau dans leurs champs. On l'écoute au micro de Jean-Marie Mayong. Les prévisions météorologiques jouent un rôle important dans ce processus d'adaptation au changement climatique. Elles permettent aux différents acteurs de faire une bonne planification de leurs activités et permettent aussi de se prévenir aux effets des événements météorologiques extrêmes et tout au moins d'atténuer leur impact. La présentation de la note de prévision météorologique de cette saison critérale dite IMESH, qui fait objet de cette assise, va nous permettre d'être informés sur la pluviométrie prévu dans les différentes régions naturelles du pays, ainsi que les dates probables de début et de fin de la saison. Cette information est très importante car elle permet aux différents acteurs du secteur agricole de bien planifier les activités et le bon choix des critères en fonction de la quantité et de la durée des précipitations. Pour les autres secteurs sensibles aux variabilités climatiques, cette information leur permettra d'envisager des mesures de prévention, d'atténuation et d'adaptation en cas de forte précipitation ou en cas d'insuffisance pluviométrique. Parlons encore agriculture. Les agriculteurs de la province Ngozi déplorent, disent que leur récolte de graines de maïs n'a pas été accueillie depuis mardi à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. Le directeur en charge de l'approvisionnement à la NAGESA parle de rupture d'argent, mais aussi d'une courte période pour la conservation des quantités déjà reçues dans des sacs appropriés et ainsi libérer de l'espace. Bosco Ndaichimie tranquillise que d'ici 3 jours, l'argent sera disponible pour que ceux qui ont eu des reçus et des nouveaux qui vont amener leur production puissent recevoir leur argent. Le point avec Apollinaire Muzagar. Ces agriculteurs disent qu'ils ont acheminé ce mardi leur récolte de graines de maïs, mais leur production n'a pas été accueillie. Et ceux dont la récolte a été réceptionnée n'ont pas eu d'argent, mais des reçus, sans toutefois être informés du jour de perception de leur sou. Il y en a d'autres qui déplorent le fait qu'ils viennent de passer 3 jours devant les entrepôts sans être accueillis jusqu'à maintenant. Là, c'est devant les entrepôts de la zone Ngozi-Meri. Le directeur chargé de l'approvisionnement au sein de la NAGESA reconnaît cette rupture d'argent. Oskonda Ishimie parle aussi d'un arrêt momentané d'achat visant à la conservation de la récolte des gens réceptionnés dans des sacs appropriés afin de libérer de l'espace devant accueillir d'autres graines. Il tranquillise d'abord que ceux qui viennent de passer ces jours-là seront accueillis et que d'ici jeudi ou vendredi, leur argent sera disponible. La province Ngozi a accueilli durant les 3 premiers jours 56 tonnes de graines de maïs. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et de la province Ngozi au nord du Burundi, rendons-nous en province Cibitoke. C'est à l'ouest du pays où certains citoyens de la zone Cibitoke en commune Rugombo trouvent que la politique de collecte et de récolte du maïs a été précipitée et demandent au gouvernement de veiller à ce que cela n'entrave pas les droits des agriculteurs et régulariser ceux qui ont déjà vendu leur récolte. Certains avaient pensé que la mesure vise le développement des producteurs de ce produit. Suivez ce micro-baladeur. On avait franchement salué la mesure, mais les services chargés de la collecte ne nous donnent pas de l'argent irrelatif. On avait amené la récolte, espérant que nous allons subvenir à d'autres besoins, mais voilà, nous sommes dans la désolation. La mesure était bonne, mais nous sommes dans une indignation totale. Moi, j'avais même plaidé à ce que je rapatrie ma récolte à mon domicile, chose qui m'a été refusée, que je n'aurais plus le droit de le faire. On n'annonce rien. Nous passons toute la journée ici, avec même le risque que nos récoltes se trouvent exposées aux pluies. La plus grande difficulté est que l'on dit que les fonds irrelatifs ne sont pas disponibles. Nous nous insurgeons contre la mesure. On avait espéré que c'est l'occasion de subvenir aux besoins du ménage. Voilà, on attend, mais personne ne nous indique quel rendez-vous il faut espérer. On nous avait indiqué que la mesure de collecte est là pour notre intérêt. Nous demandons alors que les choses soient au clair. Il faut que la parole réponde à l'acte. Les agriculteurs croupiront toujours dans la fatigue. Puisque nous avons répondu à l'appel lancé par le gouvernement, les services en charge de collecte doivent nous régulariser. Si du moins les fonds sont disponibles, nous allons subvenir à nos besoins. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 18h10 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition avec cette page sécurité des stratégies pour renforcer la sécurité dans 4 communes, à savoir Gihanga, Mutimbuzi, Buganda et Rugombo, ont été arrêtés ce mardi. Le porte-parole du Premier ministre l'a dit après une réunion du comité mixte de sécurité tenue à Gihanga ce mardi, une réunion tenue par le Premier ministre et qui regroupait les provinces de l'ouest du du pays, à savoir Bubanza, Chibitoke et Bujumbura, le point avec Pescaritas Kabanyana. Une réunion de sécurité qui a regroupé la région ouest, la province de Bubanza, Chibitoke et Bujumbura a été tenue ce mardi à Gihanga et le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a déploré les différentes attaques armées qui ont emporté des vies humaines ainsi que d'autres dégâts matériels comme celle de son dimanche sur la colline Buringa de la commune Gihanga. Dans cette réunion de sécurité qui a regroupé tous les membres du comité mixte de sécurité au niveau de l'administration des forces de l'ordre ainsi que la population, une réunion tenue à Gihanga ce mardi par le Premier ministre, des stratégies pour renforcer la sécurité dans les communes de Gihanga, Mutimbuzi, Buganda et Rugombo, frontalières à la réserve naturelle de la Rukoko et également frontalières à la rivière Rusizi ont été prises, comme l'a déclaré Moïse Nkurunziza, porte-parole du Premier ministre après la réunion. Mais il n'a pas voulu préciser ses stratégies. Moïse Nkurunziza a également précisé que la population de ces quatre communes vont voir des résultats positifs de cette stratégie avec l'amélioration de la sécurité. C'est une réunion tenue après une attaque mortelle qui a été faite à Buringa, en commune Gihanga, dans la nuit de ce dimanche. Une attaque qui a emporté la vie de 9 personnes ainsi que d'autres dégâts matériels. Spécialitas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Parlons toujours de cette insécurité à Buringa qui a fait 9 morts et des blessés. L'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité, ONPGH, condamne cette attaque et appelle les populations vivant près des frontières avec le Rwanda et les républiques démocratiques du Congo à rester vigilantes. On l'écoute. L'ONPGH se joint à son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, à son gouvernement, aux partis politiques et à la société civile pour condamner sans ambages ces crimes d'atrocité de masse perpétrés contre des civils innocents et en particulier des femmes et présente ses condoléances les plus émues aux familles éprouvées. L'ONPGH souhaite un rapide rétablissement aux blessés et demande à l'administration d'assister toutes les familles éprouvées. L'ONPGH demande à l'administration du territoire, à la base et les populations de toutes les collines, en particulier les collines frontalières avec la RDC et le Rwanda, de redoubler de vigilance tout en collaborant étroitement avec les forces de l'ordre. L'ONPGH termine en appelant tous les Burundais dans leur diversité ethnique, politique et religieuse de continuer à consolider la paix et renforcer leur cohésion sociale en vue de bâtir un Burundi paisible, uni, libre, démocratique et prospère. Revenons encore sur ces attaques sur le sol burundais. Seule la voie du dialogue est indispensable dans la résolution des mésententes entre le Burundi et des mouvements auteurs des attaques sur son sol. Avis de Léonce Ngendakumana, politicien et membre du Conseil des sages de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, en rapport avec les accusations liées au soutien du Rwanda à ces groupements. Léonce Ngendakumana trouve que le dialogue diplomatique entre ces deux pays est la meilleure voit plutôt que des sorties médiatiques. On écoute au micro d'Omer Douayo. Il n'y a qu'une et une seule voie que nous avons déjà inscrite dans la constitution de la République du Burundi. C'est le dialogue politique, c'est le dialogue social. Pour toutes les questions, il faut les résoudre par la voie du dialogue. C'est la seule et unique solution qui reste pour le Burundi. La voie militaire, la voie armée est une voie que je déconseille depuis très longtemps parce que c'est une voie qui conduit à la destruction, d'abord à la mort, à la prison, à l'exil et à la destruction de notre économie, de notre patrimoine socio-culturel. Donc, ce n'est pas une voie à encourager, ce n'est pas une voie à prendre pour résoudre n'importe quel problème. Alors, il n'y a pas 1000 voies. La voie militaire, c'est une voie à écarter. Que ce soit pour le gouvernement ou pour ceux qui font ces attaques. Le gouvernement burundais accuse le gouvernement rwandais qu'il est derrière ces mouvements. Est-ce que ça ne peut pas causer des mésententes internationales? C'est possible. Malheureusement, ces accusations se font par la voie des médias. C'est ce qui est dommage. Les problèmes qui surgissent entre deux États, deux nations, doivent être résolus par une voie diplomatique. Ça veut dire que les pays entrent en négociation, en fait. Entrent dans le dialogue. Par exemple, c'est le Burundi qui a commencé à dire que le Rwanda soutient le mouvement Red Tabara. Je l'ai appris au début de l'année, même avant-hier, j'ai vu un communiqué du gouvernement burundi qui reprend la même chose. Le gouvernement du Burundi a une ambassade au Rwanda. Il peut passer par l'ambassadeur et lui donner un message à transmettre à son homologue rwandais pour lui dire qu'il y a quand même des situations que le Burundi ne comprend pas. Par exemple, son soutien, s'il y en a, s'il existe. Le Rwanda a une ambassade ici, un ambassadeur. Il faut appeler cet ambassadeur, lui donner un message qu'il va transmettre au président rwandais pour lui dire que le Burundi n'est pas content de ce qu'il entend. Que le gouvernement rwandais soutiendrait le groupe armé Red Tabara, qui d'ailleurs aujourd'hui revendique les attaques qui se font dans la province de Bubanza. Il faut que ces questions soient approchées par la voie diplomatique. Il n'y a pas autre solution. Poursuivons cette édition à 18h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Deux militaires accusés d'avoir assassiné un motard mardi de la semaine écoulée sur la colline Ndago en commune Songa de la province Bururi sont dans la prison de Bururi depuis le matin de ce mardi. En provenance du cachet de la police militaire à Bujumbura, certains des membres de la famille de la victime qui pensaient que l'audience publique allait avoir lieu étaient sur place. Cette audience aura lieu très prochainement selon les militaires qui les ont conduits à cette maison de détention. Une information que nous devons à notre correspondant en province Bururi, Zenon Nzambimana. Parlons tourisme à présent. L'absence d'un cadre légal des travailleurs opérant dans l'informel ainsi que des taxes exorbitantes pour les hôteliers sont des défis qui hantent le secteur du tourisme au Burundi. Une affirmation faite ce mardi par le président Herman Ndachaisaba, c'était lors du lancement des états généraux du secteur du tourisme. Il plaide pour que ceux qui investissent dans ce secteur soient épaulés car ils contribuent énormément. C'est également un message lancé par le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye lors de ces états généraux du tourisme au Burundi. Et le Burundi n'a pas de politique claire concernant le marketing touristique. Cela étant l'un des défis qui hante ce secteur, a fait observer le président de la Chambre du commerce et d'industrie et industrie du Burundi, CFCIB, lors de ce lancement des états généraux sur le tourisme au Burundi. Olivier Suguru a indiqué que si cette politique était mise en place, le Burundi pourrait être une destination très prisée par les touristes. Parlons éducation pour clore cette édition. Les classes de l'école fondamentale de Gihinga en zone Kienzi de la commune Kanyosha. Nous sommes dans la province de Bujumbura, n'ont ni porte ni fenêtre. Les parents des élèves craignent que les intempéries mettent en danger la santé de leurs enfants et demande que les travaux de construction de ces classes soient achevés. De son côté, l'administrateur de la commune, Kanyosha, et présidente de la commission communale chargée de l'éducation, reconnaît que plusieurs écoles font face à d'énormes difficultés, celle de Gihanga y compris. Safari Trifine indique que le gouvernement fait tout pour promouvoir l'éducation de qualité, mais trouve que les natifs et les parents doivent donner leur contribution. Les détails avec Evariste Nzikobanyan. Arrivé pour la première fois à l'école fondamentale de Gihinga, les classes sans porte ni fenêtre l'ont croiré à une école en cours de construction. Mais une fois entré à l'intérieur des classes, l'on constate de bas pupitres, d'où l'école fonctionnelle. Les écoliers de l'Ecofo Gihinga disent que l'état des lieux de cette école ne leur facilite pas l'apprentissage. Notre école est mal construite. Les classes n'ont ni porte ni fenêtre. Quand il est au nez mouillé, même nos cahiers sont endommagés. Même son de cloche avec les parents, ils craignent pour la santé de leurs enfants et demandent que les travaux de construction de cette école soient finalisés. Vous voyez ici, il n'y a pas d'arbres. Les intempéries causent des maladies comme la toux à nos enfants. Nous lançons vraiment un cri d'alarme pour que ces classes soient dotées de portes et fenêtres. Nous avons besoin vraiment de l'aide pour que cette école soit bien construite. On nous demande souvent des contributions, mais les moyens nous font défaut. Nous ne sommes pas capables de nourrir nos familles. L'école fondamentale de Gihinga compte 500 écoliers. Cette école est privée de l'eau potable. Le robinet qui existe ne donne aucune goutte d'eau. Les écoliers et les voisins de cet établissement s'approvisionnent dans le ruisseau dit Mugoyi. L'administrateur communal de Kanyosha et présidente de la commission communale chargée de l'éducation, confirme que certaines écoles font face aux diverses difficultés. Celle de Gihinga y compris. Trifine Safari indique cependant que surtout les établissements, la question de manque de l'eau potable aura été résolue au mois de mars de l'année en cours. Et aux autres difficultés, elle explique que le gouvernement est à l'œuvre, mais demande aux directeurs des écoles de chercher ce qui donne des contributions pour tenter de trouver des solutions durables à ces problèmes qui hantent le secteur de l'éducation qui demande beaucoup de moyens. À 18h20 dans le studio de la radio Isanganiro, c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur d'avoir suivi cette édition. Merci également à Séraphine Hakizimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.